Bon, bonjour à tous. J'aimerais partager avec vous mes réflexions, mes idées, mes propositions sur ce qu'il faut faire face à la crise européenne. Tout le monde en parle. Personne ne dit vraiment ce qu'il faut faire. Et donc c'est ça que je voudrais pointer avec vous. D'abord, rappeler l'actualité récente. Oui, rappeler l'actualité récente. Avant-hier, les 27 chefs d'État, sans les Anglais, se sont réunis à Bratislava. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pas grand-chose, à vrai dire. Tellement ils sont en désaccord entre eux. Il y a un seul point sur lequel... Non, deux points, allez, sur lesquels ils sont d'accord. C'est d'une part créer une frontière européenne. Parce que, comme vous le savez, bon, avec le développement de Schengen, il y a eu un contraste entre la liberté de circulation et puis la capacité à organiser les frontières européennes. Mais ça, c'est la volée défensive, sécuritaire, si vous voulez. C'est pas comme ça qu'on construit l'Europe de demain. Et puis, il faut une Europe qui reparle au cœur des citoyens. La difficulté, c'est que comment est-ce qu'on reparle au cœur des citoyens? Et donc, pour vraiment comprendre ce qu'il y a à faire, il faut remonter un petit peu dans l'histoire et comprendre comment un beau rêve est devenu quelque chose auquel de moins en moins de gens croient. Un beau rêve. Il y a 70 ans, en 2018, on aura l'anniversaire du congrès de La Haye. C'était tout de suite après la guerre. Tout de suite après la guerre. Où des Européens d'un peu toutes les origines, de tous les milieux, face à deux guerres mondiales où on avait à peu près auto-détruit l'Europe, se sont dit, il faut qu'on construise les conditions d'une paix durable. Et la seule solution pour construire une paix durable, c'est de dépasser les nationalismes, de dépasser les replis nationaux et d'aller vers quelque chose de plus large qu'on avait en commun, qui était l'Europe. Et donc, il faut comprendre qu'à l'origine, le seul but de l'Europe, c'est de construire les conditions d'une paix durable. Ça n'avait rien à voir avec l'économie, c'était véritablement uniquement la construction de la paix. Comment est-ce que petit à petit, on en est venu à faire une Europe des lobbies? Une Europe où on perçoit que la seule chose qui compte, c'est le marché, la marchandise, et une Europe où... les lobbies se déploient à Bruxelles pour défendre les intérêts des grandes entreprises. Et comme on en est venu à une Europe où probablement près de la moitié de la population maintenant dit non, il faut se retirer, il faut retourner vers les frontières nationales, etc. Il faut comprendre qu'on y est venu à plusieurs temps, plusieurs degrés. Au début, il y a eu une conception extrêmement innovante de l'Europe qui était de dire... On a besoin de construire un intérêt européen, donc on va construire une commission européenne qui, elle, aura en charge de dépasser le marchandage entre les États, entre les intérêts nationaux, et qui va proposer ce qui pourrait être l'intérêt européen. Mais c'était avec 6 pays. Et puis il est arrivé un moment très difficile pour l'Europe, c'est que... Il y avait eu l'idée, on était en pleine guerre froide, vous vous souvenez, de construire une armée européenne, ce dont on parle très laborieusement maintenant. Et donc a été lancée la communauté européenne de défense. Le paradoxe, c'est que c'est les Français qui ont lancé l'idée, c'est les Français qui l'ont jetée à la fin. Et donc l'idée de l'époque était... On va mettre en commun les forces armées, comme plus tard on a dit... On va mettre en commun le charbon et l'acier. Et pourquoi le charbon et l'acier? Parce qu'à l'époque, c'était les moyens de faire la guerre. Donc l'idée était plus symbolique, si vous voulez, qu'autre chose. C'est si on veut dépasser la guerre, ben, il faut se priver des moyens de faire la guerre les uns contre les autres. La communauté européenne de défense a été rejetée par les Français. Et là, il s'est passé un moment de doute extraordinaire. Et une grande partie de ceux qui étaient décidés à construire l'Europe étaient prêts à dire ben, « c'est fichu, tout le monde va retourner derrière ses frontières, on va recommencer l'histoire des intérêts nationaux, on va réarmer, et puis on se reprépare pour une guerre mondiale suivante ». Et en fait, ce qu'ils ont fait était très pragmatique, très pratique au début, sans se rendre compte de toutes les conséquences, ça a été de dire « puisqu'on n'a pas pu construire l'Europe par la politique », on va la construire par l'économie. Et c'est de là, si vous voulez, que vient le fait que l'Europe s'est construite essentiellement autour de l'idée de l'unification du marché. Et on en est encore là maintenant. Pourquoi ? Parce que les mécaniques qui se sont mises en place à Bruxelles, petit à petit, il y a une administration qui s'est constituée avec des procédures de plus en plus lourdes, s'est centré presque exclusivement sur la construction du marché, tout simplement parce que c'était la seule compétence qu'elles avaient complètement. Quand il s'agit d'organiser le marché, les États ont de moins en moins à dire et c'est l'Europe qui a à dire. Sur les autres sujets, l'Europe est extraordinairement faible. Et petit à petit, qu'est-ce que ça voulait dire d'unifier le marché ? Ben, de mettre en commun des normes, donc de sortir de la diversité, et petit à petit, effectivement, qui est-ce qui a le plus bénéficié de cette unification du marché ? Ce sont effectivement les grandes entreprises. Et on est à un paradoxe qui est tout à fait étonnant, si vous voulez, que les gens ne mesurent pas, c'est que le marché européen, par exemple, est plus unifié que le marché américain. En d'autres termes, un État américain, le Massachusetts ou la Californie, ou ce que vous voulez, a droit de décider sur ses normes, par exemple, d'alimentation, alors que la France ou la Grèce ou la Slovaquie l'a perdu. Et par contre, on a, au niveau européen, pratiquement aucune véritable compétence politique. Alors, au fil du temps, le grand thème a été « il faut une Europe plus démocratique ». Une Europe... mais avec une réflexion sur ce que c'est que la démocratie, qui était extrêmement limitée. Et ça s'est traduit, toujours au fil du temps, par l'idée qu'il faudrait que l'Europe se rapproche de ce qu'est un véritable État. Et en particulier, on a dit eh ben, il faudrait un Parlement, parce que les citoyens ne sont pas bien représentés, et on a d'un côté une commission de plus en plus loin des citoyens, on a les chefs d'État, où sont les citoyens ? Et donc, on a dit, on va faire un Parlement européen, et petit à petit, un Parlement européen qui soit élu au suffrage universel. Et là, les gens, à la fin des années 70, se sont dit, ça y est, on a une Europe démocratique. Pourquoi les doutes aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que de moins en moins de gens votent pour le Parlement ? D'un côté, on dit la démocratie, c'est un Parlement. Et de l'autre, plus le Parlement européen a de pouvoir, il en a acquis encore de nouveau au traité de Lisbonne, et moins on croit à la démocratie de l'Europe. Qu'est-ce qui se passe dans ce fossé, si vous voulez ? Ben, c'est que, il se passe que, si vous voulez, les listes sont nationales. Et le Parlement européen s'est organisé essentiellement pour dialoguer avec la Commission. Donc ce n'est pas un lieu où on peut réfléchir à quelle Europe les citoyens veulent. Dès que vous avez un Parlement européen qui est organisé, il se divise en commissions qui correspondent à chacune des commissions, à chacun des départements, si je puis dire, des collèges, au sein du collège européen. Et on s'enferme dans l'éducation, le budget, la sécurité, l'économie, etc. Et du coup, la plupart des partis envoient au Parlement européen des gens dont on veut un peu se débarrasser sur le territoire national. Et au lieu que ce soit, si vous voulez, le formidable élan de dire c'est là que ça se joue, parce que notre avenir se joue au niveau européen, en réalité... les gens qui nous représentent au niveau du Parlement européen, d'une part, sont élus par de moins en moins de gens. Il y a de moins en moins de gens qui vont voter. Encore une fois, c'est ça le paradoxe. Plus le Parlement européen a de pouvoir, moins il y a de gens qui vont voter. Et le Parlement européen est enfermé dans un dialogue avec la Commission. Donc comment est-ce qu'on va sortir de ça? On ne sortira de ça que si il y a un travail avec les citoyens, si les citoyens sont réellement en mesure de s'exprimer sur la nature de l'Europe qu'ils veulent construire. Ce qu'il faut bien comprendre, de mon point de vue, c'est que l'échec de l'Europe est un problème. L'échec de l'Europe ne serait pas seulement un problème pour l'Europe. L'échec de l'Europe, c'est avant tout un problème pour le monde. Pourquoi ? Parce que la construction... On est interdépendant, d'accord ? Au niveau mondial. On est incapable de gérer ces interdépendances avec près de 200 États, avec chacun ses intérêts et chacun ses dialogues. Donc on a absolument besoin de construire des ensembles régionaux qui puissent dialoguer entre eux. La Chine est un ensemble régional, l'Inde est un ensemble régional, mais la construction pacifique d'ensembles régionaux est le premier défi aujourd'hui de la construction de ce qu'on appelle une gouvernance mondiale, tout simplement la capacité à traiter de nos problèmes communs. Or, le seul modèle pour l'instant de construction pacifique dépassant les nationalistes, dépassant les frontières des États, c'est le modèle européen. Et partout où vous allez dans le monde, ce qui a été mon cas, si vous voulez vous dialoguer avec des gens, toujours ils vous demandent, mais comment vous avez fait au niveau européen? Comment vous avez fait pour vous réconcilier avec les Allemands? Comment vous avez fait pour sortir des frontières nationales? Et donc le combat pour une Europe plus citoyenne est un combat qui est central, pas seulement pour l'Europe, qui est central pour le reste du monde. Alors, parmi les dérapages progressifs qui se sont passés, parce que l'état où on en est, il n'est pas arrivé subitement. C'est vraiment d'année en année, de décennie en décennie. J'ai raconté comment l'échec de la communauté européenne de défense nous a précipité dans les bras d'une Europe essentiellement centrée sur la construction de l'économie et une Europe de l'unification des normes, et donc une Europe plutôt au profit des lobbies. Il y a eu un second problème qui s'est posé au niveau historique, c'est quand le mur de Berlin s'est effondré, quand l'Union soviétique s'est effondrée, l'aspiration des peuples d'Europe centrale et orientale à intégrer l'Union européenne, Bon, allez-y, j'arriverai pas à continuer à parler. Mais non. La construction européenne. Attends, on va peut-être venir aux questions. Bon. Non. Donc la question de comment on fait pour que les citoyens. Le but d'Edic Poc, comme j'ai dit tout à l'heure, on laisse l'intervenant parler et après on parle. S'il vous plaît. Restez dans ces trucs-là. Merci. Non, tu parles après, hein, c'est bon. Bien. La difficulté de... La difficulté de construire l'Europe s'est lourdement aggravée avec le fait que très rapidement, l'Europe s'est étendue. D'abord, vous le savez, avec l'Europe du Sud, avec l'Angleterre et l'Irlande, mais surtout après 90, avec les pays d'Europe centrale et orientale. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? C'est que, fondamentalement, les citoyens n'ont pas été consultés, n'ont pas été impliqués. Et on est arrivé à construire une Europe avec des institutions qui avaient été fabriquées pour 6 pays et qui sont devenues des institutions qui étaient censées fonctionner pour 28 pays. Quand on réfléchit maintenant à qu'est-ce qu'il faudrait faire, et dans l'état actuel, qu'est-ce que ça veut dire que les citoyens européens puissent avoir leur mot à dire, puissent s'approprier l'avenir de l'Europe. L'idée fondamentale est que une communauté humaine, ça s'institue, ça tombe pas du ciel. Il n'y a pas une communauté française, une communauté belge, une communauté slovaque, une communauté tchèque qui est tombée du ciel, qui existe par nature, etc. Une communauté, ça se construit, ça s'institue, ça se fabrique. Et ça fabrique à partir du moment où il peut réellement y avoir un dialogue sur les valeurs qu'on partage, sur l'avenir qu'on veut partager, sur la place qu'on veut occuper dans le monde, sur la manière dont on équilibre la diversité et l'unité, etc. Ce processus-là n'a jamais eu lieu au niveau de l'Europe. Jamais eu lieu au niveau de l'Europe. Encore une fois, il faut remonter à près de 70 ans pour avoir simplement une conférence qui est celle de La Haye, où des gens d'un peu tous les milieux étaient venus pour dialoguer de l'Europe qu'ils voulaient construire. Depuis près de 70 ans, ce processus n'a pas existé. Et donc, faire en sorte que les citoyens puissent s'approprier l'avenir de l'Europe, c'est ce qu'on peut appeler une assemblée instituante, définir, travailler ensemble pour définir l'Europe qu'on veut construire. Comment le faire ? Évidemment pas par des référendums. Vous l'avez très bien vu avec le référendum britannique. Un référendum, c'est juste, est-ce que vous voulez être dedans, est-ce que vous voulez être dehors ? Mais de quelle Europe ? De l'Europe actuelle ? Il n'y a eu aucun débat avec les Anglais, mais à part des négociations de marchands de tapis sur, les Anglais voudraient récupérer telle ou telle compétence, mieux contrôler l'avenue des gens d'Europe de l'Est, que sais-je, c'est des négociations de marchands de tapis. C'est pas une construction d'une vision européenne. On ne peut donc pas s'appuyer sur un mécanisme de type référendum. Le mécanisme de type démocratie représentative, on le pratique depuis 1979 avec le Parlement. On voit que ça n'est pas comme ça. Il n'y a eu aucun espace de débat au Parlement, fondamentalement, sur quelle Europe on veut construire. On est tout de suite dans la discussion sur telle directive européenne, oui, non, le point de vue des partis, etc. Donc c'est pas par ce biais qu'il faut le faire. Est-ce que ça peut être par le biais d'assemblées nationales ? La réponse est non, parce que précisément tout le drame de l'Europe est que aussi bien la scène politique que l'expression des intérêts se fait à travers le filtre national. Si vous regardez quelque chose comme la politique agricole commune, par exemple, on dit il y a un intérêt français, il y a un intérêt anglais, il y a un intérêt allemand, il y a un intérêt grec ou que sais-je. En réalité, on ne peut pas dire qu'il y a un intérêt global des agriculteurs français ou des consommateurs français qui s'opposeraient à celui des... Donc c'est des lobbies qui s'expriment pour dire « Ah ben oui, mais on voudrait que la France gagne plus qu'elle ne perd de... » dans les subventions agricoles où on voudrait que telle ou telle branche qui nous est chère soit soutenue, etc. Donc en réalité, le niveau national aujourd'hui fonctionne comme un obstacle au dialogue citoyen européen et pas comme un atout. Les lieux où au fond s'échangent le plus humainement possible les réflexions, les relations entre citoyens européens, c'est à travers les jumelages de villes ou de régions. Parce que là, on n'est pas dans la logique je suis français, je suis allemand, je suis tchèque, etc. Dans la logique d'échanges culturels, d'échanges de partage de réflexions, etc. Et donc, si on veut construire une assemblée instituante, si on veut construire, mettre en scène le dialogue que peuvent avoir les citoyens européens entre eux sur ce qu'ils veulent être, et notamment ce qu'ils veulent être dans le monde, il faut non pas s'appuyer sur les États, mais s'appuyer sur les villes et les régions. Comment le faire ? Il y a un progrès considérable qui a été fait au cours des 30 dernières années, c'est ce qu'on appelle la démocratie délibérative. Pas la démocratie représentative, la démocratie délibérative. D'une certaine manière, le lieu qui est ici est un lieu de délibération, où on peut échanger, etc. Et tout ça a été inventé au départ pour faire en sorte que les citoyens puissent s'exprimer sur des questions complexes. Ce qu'on disait, par exemple, les citoyens, mais voyons, ils n'y comprennent rien aux OGM, ils ne comprennent rien au nucléaire, ils ne comprennent rien à la biologie moléculaire. Donc laissons les experts travailler entre eux, déterminer les normes, il n'y a que de sérieux. Il fallait, et ça, si c'est ça, il n'y a plus de démocratie. Et donc, ont été inventés des mécanismes, qu'on appelle notamment les panels de citoyens, qui ressemblent à des jurys d'assises, si vous voulez, c'est-à-dire des espaces, dans la durée, où un groupe de citoyens tirés au sort, parmi les volontaires, mais reflétant la diversité de la société, on lui donne le temps, on lui donne les moyens d'information pour engager le dialogue au vu des autres, si vous voulez, comme retrouvant les racines de la démocratie, puisque dans les racines... La démocratie au départ était fondée sur le tirage au sort et pas sur les élections. Les élections, c'est une invention beaucoup plus tardive. Le cœur de la démocratie, c'est que tout citoyen est concerné par les affaires publiques et qu'on tire au sort ceux qui vont être en charge pendant un temps de la gestion des affaires publiques. Là, c'est le même esprit. Tirer au sort des groupes de 30 à 40 citoyens et un travail sur un an. Comme dans un jury d'assises, ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. Ils peuvent avoir tous les dialogues qu'ils veulent. Ils peuvent avoir accès à toutes les informations ou à toutes les expertises qu'ils veulent. Ça fait 30 ans maintenant qu'il y a une expérience un peu dans des différents pays d'Europe là-dessus. Et ça marche remarquablement, à condition que les pouvoirs publics, que les autorités politiques disent « je prendrai en compte votre discussion ». Sinon, c'est de la discussion pour du beurre. C'est juste, on amuse la galerie, puis après, les chefs, ils décident. Donc, il y a tout un processus politique à mettre en place pour dire, écoutez, on est d'accord pour analyser profondément ce que les citoyens proposent, de manière à prendre des décisions informées par les propositions des citoyens. Et donc, le processus que nous avons proposé, qu'on a commencé à mettre en débat avec un certain nombre de régions et de villes, avec des institutions européennes, c'est effectivement qu'on trouve dans toute l'Europe des villes et des régions qui disent « Nous, on veut participer à la construction de l'avenir de l'Europe. On veut que nos citoyens soient en mesure de s'exprimer sur l'Europe qu'ils veulent et qu'ils puissent dialoguer avec les autres. » Donc une année où le travail se fait au niveau de villes ou de régions, pour construire à ce niveau-là, purger de la question des intérêts nationaux, etc., sur quelles valeurs on se met d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire d'être européen? Quelle Europe on veut construire? Quelle va être la place de l'économie, de la finance, de la culture, de l'éducation, que sais-je, dans la construction européenne? Et puis une année de dialogue à l'échelle européenne, correspondant à la fois aux 60 ans de 60 ans du traité de Rome et puis surtout les 70 ans de la conférence de La Haye, pour qu'en 2018, il y ait une grande conférence de citoyens européens au niveau européen, soit au niveau de Bruxelles, soit au niveau du pays qui sera à cette époque à la présidence, pour mettre en commun les réflexions, les propositions, je dirais même les rêves, les doutes de tous ces 30, 40 panels de citoyens régionaux pour mettre sur la table, cette fois-ci, une vraie vision citoyenne de l'avenir de l'Europe. Voilà la perspective qu'on a mis en débat. Merci pour cette présentation. Donc, on va prendre les tours de parole. Les gens qui veulent poser des questions, réagir, voilà. Dites ce que vous avez envie de dire sur le sujet de préférence. Excuse-moi, t'as le... Je pose un intervenant. Je pense que vous avez fait une grande erreur. Vous n'avez jamais créé un rapport avec le système économique entre le projet de l'Europe. C'est pour ça que c'est un défi, le projet de l'Europe, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Au début déjà, on sait très bien, ça commençait par un cartel de... Je n'ai pas compris. Acier et charbon. On n'a pas créé l'Europe de le peuple. Au début, au départ, le projet c'était une Europe de la multinationale. Au début, 3-5, après, c'est monté les autres. Finalement, les citoyens, tout le monde parle de citoyens, mais les citoyens, ils étaient hors de le projet déjà. Non, non, il n'a pas dit tout à fait ça. Alors, on veut créer quelle Europe? Je ne suis pas contre l'Europe. Je ne suis pas contre mondialiser tous les pays de la planète, effacer toutes les frontières, créer un monde sans frontières. Mais la question, quand je retourne au début, l'Europe d'abord c'était le projet de multinationales, les bourgeois de l'Allemagne, Luxembourg, Italie, la France. Alors aujourd'hui, la même politique, ça continue. Pour ça, le projet de l'Europe, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Si on exclut 2 millions de gens, tous les gens de classe populaire, si on crée au nom de l'intérêt de multinational, on n'est pas capable d'effacer les frontières, on n'est pas capable d'unifier. Parce que pourquoi? Grande majorité exclut d'un projet, une minorité qui décide. Quand une minorité il décide, alors l'autre fonctionnement qui se marche, c'est quoi alors? Avec le Brexit, on a vu, les nationalistes anglais, ils étaient contre. Bourgeoisie de l'Angleterre finalement. En France, Front National. En Allemagne, les autres. Finalement, ils sont tous une alliée avec les multinationales. Pour continuer le projet, d'abord, ça demande une expropriation de les riches de l'Allemagne, les riches de la France, les riches de Luxembourg, les riches de l'Angleterre. Ça, c'est pas comment un mystère ou quelque chose que ça nous dérange. Finalement, on veut effacer les frontières, on veut créer amitié, on veut créer la fraternité entre le peuple de l'Europe qui ont fait la guerre depuis des siècles pendant eux. Entre eux. Aujourd'hui, c'est une réalité. Première chose. Pourquoi ça ne marche pas le projet de l'Europe? D'abord, comme je dis au début, c'est un projet qui défend l'intérêt de les multinationales allemandes, françaises et les autres. Première chose. Deuxième chose. Ah, d'accord. Deuxième chose. Sur le plan culturel, social, si on veut dépasser, comment est, sur le plan national, il faut qu'un projet défende l'intérêt de la grande majorité. Un projet, s'il ne défend pas, projet de grande majorité de peuple allemand, grande majorité de peuple France, grande majorité de peuple Angleterre, alors on tombe dans un piège. Le piège, ça crée quoi? Ça crée une division. C'est pour ça que le projet de l'Europe, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher aussi. Le Brexit, c'est un parti, c'est tout. Mais avec le temps, je suis sûr que les autres pays... de la communauté, il doit se séparer. On a bien vu ça dans le projet de Grèce. Alors, le Grec, c'était un pays de l'Union européenne. Mais ils n'étaient pas d'accord avec les créateurs de l'Européen. Parce que pourquoi? Et au début, dans le départ, quand ils étaient contre le peuple, grande majorité de le peuple grec, ils ont voté pour le Syriza. Leur projet échoué. Pourquoi? Parce que finalement, on a bien compris que ce n'est pas l'Europe de le peuple, ce n'est pas l'Europe de le pauvre, c'est l'Europe de grand riche. Surtout, le force de moteur, c'était deux grands pays, deux grands ennemis historiques, l'Allemagne et la France. Le grand problème, jamais c'était dans le projet de l'Union européenne parce qu'ils étaient côté Atlantique toujours. Même au début, c'est pas que dans la politique agricole commune, pacte, dans le Schengen, Angleterre n'a jamais accepté de toute façon ni Schengen ni pacte. Parce que pourquoi? Historiquement, ils sont alliés de l'Amérique. On sait très bien que le projet de l'Europe, ce n'était pas le projet du peuple, c'était le projet de multinationales européennes. En même temps, c'était une alliance contre l'anti-Amérique aussi en même temps. Il faut dire cette vérité-là aussi. Alors, comment ça peut marcher? Si on veut créer une Union européenne, on doit changer notre mentalité, notre esprit. Première chose, on doit exproprier tous les riches européens, les riches allemands, les riches français, les riches italiens, les riches le pays du Benelux, Hollande, Belgique ou les autres pays. Voilà, je peux. Après, on peut continuer le débat. Pour ça, le projet de l'Union européenne, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas devoir marcher parce que c'est contre le peuple. Intérieur, ils sont contre le peuple européen. Extérieur, ils sont militaristes, colonialistes. Sur le plan culturel, anticulturel. Sur le plan social, c'est une Europe antisociale. Sur la fraternité, antifraternelle. Tu veux réagir à cette intervention ou pas? Ouais. Tu veux intervenir? Bon. Donc il me reste 30 secondes maintenant. tout à l'heure, vous avez dit la raison pour laquelle j'ai tiqué. D'ailleurs, bonjour. Vous êtes professeur, philosophe, c'est quoi? Pareil qu'on ne doit pas dire qui on est. On ne doit pas? Ok. Bon, d'accord. Sinon, c'est dommage, ça m'aurait intéressé de savoir à qui je parle. En fait, ce qui se passe, c'est que, comme le monsieur vient de le dire longuement, parce qu'il il avait besoin de le dire, l'Europe, elle n'est pas faite pour marcher. L'Europe, en vérité, ils s'en battent les steaks. Ceux qui construisent l'Europe s'en battent complètement de l'Europe. Donc ce qui se passe, en fait, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on a une domination mondiale anglaise du monde. Les Américains veulent essayer de s'échapper de ça. Les Américains, c'est eux qui créent l'Europe, avec l'Allemagne et la France, pour faire une contre-puissance à l'Angleterre, le Commonwealth, qui est la plus grande puissance mondiale. Et en créant l'Europe, on donne le pouvoir à l'Allemagne et à la France. Et maintenant, l'Allemagne est emmerdée avec la France parce que la France possède l'Afrique. Donc il y a des grosses discussions entre la France et l'Allemagne et la France. Et l'Angleterre, eux, ils sont sortis parce qu'ils ne sont pas pris pour des cons. Ils disent, attends, faut arrêter là. Hop, ils se sont barrés. L'Europe, elle est là, non pas pour rassembler le peuple, mais pour pouvoir apporter une oligarchie de deux, trois grandes puissances sur le reste de l'Europe. C'est pour ça que l'Europe a pour commencer avec quelques personnes et qu'ensuite on fait rentrer les autres en leur disant « Vous serez à votre place ». Et donc, comme monsieur dit, si tu ne fais pas en premier l'Europe commerciale, c'est-à-dire l'Europe économique, ça ne va jamais marcher puisqu'il y a déjà tout le monde est déjà pas égaux. Donc il y aura toujours des gens qui seront à la traîne des autres. Donc ils savent très bien que ça ne va pas fonctionner. Mais maintenant les autres, comme les Grecs, ils disent « Ouais non, c'est pas bien, c'est pas bien ». Mais ils se font avoir par des sous-fifres des banquiers, comme Syriza et autres, qui sont là pour... Donc, la question qui est donnée, c'est, on veut tous se battre, parce que oui, on veut la paix, et on voudrait que tout le monde s'aime. Mais attendez, on va se battre pour qui? Donc on va faire le travail de social pour que tous les gens se parlent, c'est beau, la pluie, le beau temps, je t'aime, toi de mes carottes, patates, patates, en sachant que le système est biaisé dès le départ. Parce que les premiers qui ont créé l'Europe sont des anciens nazis. Donc c'est les... Comment ? Tu vas prendre la parole, tu vas prendre la parole juste après. Oui, mais là on va parler de spiritualité parce que justement. Oui, je sais, mais la problématique des bisounours et des nounours, c'est de comprendre dans quelle merde on est. C'est-à-dire, si tu n'as pas conscience du foutoir qui est sur ta tête, tu vas pouvoir compter les bisounours toute ta vie, ça marchera jamais. Donc si on est conscient... Donc, si on est conscient, monsieur, c'est pour ça que je vous demandais de qu'est-ce que vous faisiez, si on est conscient que nous sommes niqués de la base, tout ce qu'on va faire au milieu... c'est planter des champignons et essayer de faire un truc pour faire passer le temps. Donc là, on est dans une problématique économique et militaire pour que l'oligarchie écrase la population. Parce que le problème, c'est pas de dire à la population « Bon, vous pouvez pas, ça va être long. » C'est d'empêcher la population de créer ce qu'ils veulent. Et de dire que l'Europe est une chance pour le monde, la construction de l'Europe a toujours été la merde du monde. Le monde n'a jamais été aussi dans la merde depuis qu'on a créé l'Europe. Les trois religions monothéistes, islam, christianisme et qu'on appelle ça l'autre, sont de création occidentale européenne. Donc, à un moment donné, aucun peuple du monde n'a jamais vu des religions comme ça. C'est impossible. Avant, on n'a jamais vu des telles conneries politiques. Donc, on en arrive à un moment de se dire, nous, en tant qu'Européens, qu'est-ce qu'on a construit jusqu'à présent ? Où on va et pourquoi on croit que nous sommes la force du monde alors que nous avons créé la merde dans le monde entier. On a toujours parlé de guerre mondiale entre 2-3 pèlerins occidentaux qui se battaient pour savoir s'il allait avoir les cacaos, la canne à sucre de tel pays du sud. Parce que pendant que les Européens se battaient, que l'Allemagne et que la France se battaient et que l'Angleterre se battaient, il y a une autre équipe qui divisait, qui mettait des frontières dans les autres pays. Donc, à un moment donné, il faut que nous, en tant qu'Européens, parce que moi, ça fait 45 ans, 40 ans que j'habite en Europe, qu'on ait conscience de ces choses. Et de dire que l'Europe est une chance pour l'humanité, c'est de ne pas avoir conscience que nous, en tant qu'Européens, nous avons pourri le monde et détruit le monde. Et donc, il nous faut créer une nouvelle Europe qui prend conscience, comme le dit monsieur, de cette oligarchie qui est en train de construire une bombe atomique humaine ou une bombe atomique sociale ou tout ce que vous voulez. Je ne sais pas comment on dit ça. Et donc, dans votre développement, il est très intéressant. Comme l'autre l'a dit un autre monsieur, ça fait 6 mois qu'on est ici, qu'on parle de ça. Donc, 6 mois qu'on parle d'Europe, et on n'est pas encore dans le sujet de dire qui est-ce qui nous tape dessus, contre qui on doit se battre. Est-ce qu'on doit se parler pour dire « Ouais, je suis ton pote », mais on le sait qu'on est pote. Mais le problème, c'est qu'il y a d'autres en haut qui nous manipulent et qui nous mettent les uns contre les autres. Et donc, cette problématique, c'est d'avoir conscience de qui sont ces gens qui nous mettent les uns contre les autres. Et je pense que dans le développement que vous allez suivre après, puisque vous êtes là venu pour parler de cette problématique, vous allez nous dire qui sont ces gens qui manipulent tous les peuples d'Europe et contre qui les Européens doivent se retourner pour dire arrêtez de nous emmerder pour qu'on puisse nous-mêmes dire 1 euro c'est ça dans ton pays, ben ça sera le même euro. Parce qu'aujourd'hui, 1 euro en Espagne, 1 euro en France, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. Merci pour ton intervention. Tu veux réagir ? Non, je laisse les gens. Donc c'était à toi. Bonjour. T'avais dit tout à l'heure que on a fait l'Europe marchande parce que l'Europe politique n'avait pas réussi. J'ai jamais vu ça, donc j'aimerais bien que tu expliques ça. Enfin, la construction de l'Europe politique qui n'aurait pas marché. Enfin, moi, de ce que je vois, enfin, même avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait déjà les multinationales, mais les grosses entreprises nationales qui déjà voulaient s'étendre hors des frontières pour faire, parce qu'ils voyaient déjà qu'en Amérique, comme c'était un grand territoire unifié, c'était très facile pour eux de produire à un bout des États-Unis et d'aller fournir à un autre, et donc de pouvoir construire des grosses entreprises avec finalement en rentabilisant plus la, enfin, tout ce qui est enfin, les structures et aussi l'humain, donc de d'accroître les profits, et que c'est ça qui voulait, enfin, qui a fait que les entreprises européennes voulaient une Europe unifiée pour pouvoir agrandir leur zone marchande, parce que une voiture construite en France pour les normes françaises, c'est pas une voiture qui va correspondre aux normes allemandes. Donc c'est si Peugeot voulait vendre en Allemagne, il fallait qu'il refasse des usines de production, des chaînes de production différentes, et ça a engendré des coûts supplémentaires que dans des marchés unifiés comme aux États-Unis ils avaient déjà, ces coûts n'étaient pas là. Donc enfin c'était plus une question de profit, et qui avait déjà lieu, enfin cette question se posait déjà avant au début du XXe siècle. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Enfin, moi, quand je vois l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle fonctionne bien pour ceux qui l'ont créée. Enfin, l'Europe, c'est quand même la CECA. Enfin, c'est l'Europe de l'acier et du charbon. Et quand on a fait cette Europe-là, enfin, juste après, enfin, il y a des mineurs dans le nord de la France. Enfin, d'où je viens, moi, je suis à Nuit de Boulogne normalement. Enfin, il y a des gens qui ont été mis sur le carreau dès qu'on a fait la CECA. Et quand on voit l'Europe aujourd'hui, finalement, où on met en concurrence des personnes, où si on va être payé 2 000 euros et en Roumanie on va être payé 400 euros, bah, les usines elles réfléchissent pas plus, enfin elles ont pas besoin de réfléchir, bien sûr qu'elles vont délocaliser et mettre les usines là-bas. Enfin on est dans une Europe qui vise à diviser les individus par rapport au fait que nos salaires, que notre travail va être rémunéré différemment, enfin que finalement notre valeur marchande en tant qu'individu, elle vaudra moins là-bas, donc on va aller mettre l'usine là-bas pour précariser ici et pour finalement dire bah vous voyez, et c'est cette casse dans les salaires qui permet aussi de porter des lois comme la loi travail. On dit oui, regardez, finalement en France on n'arrive pas à relancer l'économie, mais c'est aussi à cause de l'Europe. Puis il faut voir aussi que la loi travail, c'est une loi qui a été portée par l'Union, enfin par la Commission européenne. C'est pas une loi qui a été demandée par la France. C'est l'Europe qui pousse à ce que la France fasse des lois comme ça. Et c'est aussi ce fait d'inclure dans une Europe qui n'est pas unifiée. Enfin, c'est aussi ça un problème, je pense. Enfin, on met dans un même pot des personnes qui ont des salaires ou des conditions de vie très différentes. Donc, on va aller mettre des usines là où ça coûte le moins cher, précariser les gens dans les pays qui sont les plus, dans l'histoire de l'Europe, hein, la France ou la Belgique, enfin où ça coûte le plus cher, pour aller casser leur salaire, pour les précariser. Enfin, c'est ça l'Europe. Enfin, c'est pas du tout une. Enfin, je pense que c'est un gros problème. Enfin, pour moi, en tant qu'individu, j'ai pas envie de rester dans l'Europe. On est dans une Europe où finalement on n'est qu'une marchandise. On est juste là pour consommer de la merde que Monsanto voudrait nous faire, parce qu'ils font du lobbying avec l'Europe, et on est juste là pour être en concurrence entre les différents pays, enfin en jouant aussi sur ça. Enfin, on n'est pas unis en tant qu'Européens, et on se divise sur des valeurs qui sont un peu fausses. Enfin, on n'est pas tellement tous là en Europe en tant qu'humains au même niveau. Enfin, on se divise aussi sur des fois des choses qui sont un peu fausses, comme les religions. Enfin, on a des valeurs, enfin on se base sur des valeurs républicaines ou des mariennes ou je sais pas quoi dans d'autres pays. Enfin, il faut aussi dépasser ces débats-là et se dire que finalement, enfin, tant qu'on sera pas au même niveau dans tous les pays, je pense, il y aura toujours cette concurrence et d'aller vers le moins-disant social par les grands industriels. Enfin, voilà. Merci pour ton intervention. Tu veux réagir ou on laisse les gens? Donc voilà, est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions? Tiens. Alors, point technique, on nous annonce que la pluie ne va pas durer trop. Donc si vous n'hésitez pas à vous rapprocher vers nous pour essayer de faire rentrer un maximum des gens sous la bâche. On va faire solidarité pluie aujourd'hui. Voilà, merci. Excusez-moi pour ce point technique. Merci à toi pour ces précisions. Donc, y a une question. Oui, j'avais une question justement par rapport à ces assemblées instituantes, sur ce qui a été dit avant, par rapport à l'effacement des cultures aussi. Je me disais, si jamais donc ça se met en place, ces assemblées instituantes, Qu'est-ce qui déterminera à la fin la prise de décision par rapport au nombre? Est-ce que les pays qui ont une plus grande superficie ou un plus grand nombre d'habitants auront plus du coup de poids dans les décisions, ce qui serait très dangereux du coup par rapport à des cultures différentes où il y aurait une nouvelle forme de normalisation en fait, mais une normalisation cette fois des peuples, pas par l'économie, mais par une culture peut-être dominante. Enfin, déjà ça passe déjà par l'économie, je suis bien d'accord. Et donc voilà, est-ce que ce serait chaque État qui a finalement autant de voix, est-ce que c'est au nombre d'habitants? Enfin voilà, c'était un peu ma question. D'accord. Je crois qu'il y a au fond trois discussions qui se superposent. La première discussion, c'est pourquoi on a fait l'Europe. La deuxième discussion, c'est où on en est de l'Europe. La troisième discussion, c'est comment on peut aller plus loin. Un malentendu que je voudrais lever par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure, je n'ai pas dit l'Europe est une chance pour l'humanité au sens où la culture européenne aurait des vertus que les autres cultures n'auraient pas. Ce n'est pas du tout ça que j'ai dit. J'ai dit quelque chose de très précis. La construction européenne est le seul exemple, pour l'instant, de dépassement des nationalismes pour aller vers une plus grande unification, et plus grande unification qui est absolument nécessaire si on veut gérer nos défis communs, les océans, le climat, la biodiversité, etc. Pardon ? Quel est le rapport avec ça ? C'est pas ça, c'est pas le sujet. On essaie simplement de s'entendre mutuellement, je crois. Je n'ai pas dit que l'Europe était une chance pour l'humanité. J'ai dit que la construction européenne, en tant que manière de dépasser pacifiquement les oppositions nationales, était le seul exemple qu'on ait sous la main. C'est pas l'ONU, c'est la construction européenne. Et à cause de ça, la crise européenne est une question pour le monde tout entier et pas seulement pour l'Union européenne. C'est ça que j'ai dit très précisément. La deuxième chose par rapport... Non, l'Europe n'a pas été faite par les multinationales et pour les multinationales, c'est faux. Il ne faut pas confondre ce qu'elle est maintenant des raisons pour lesquelles on l'a construite. J'ai expliqué, vous pouvez être d'accord ou pas, mais ça faut quand même la peine de regarder les faits malgré tout. C'est utile de regarder les faits. Avant d'exprimer des opinions, enfin il me semble du moins, c'est comme ça que j'ai essayé de faire toute ma vie, de regarder les faits. On a construit l'Europe par rapport à la question de la guerre et pas par rapport à la question de l'intérêt des multinationales, pas du tout. La CECA, c'était pas la fabrication de... Mais si vous voulez, si chaque fait qui ne correspond pas à ce que vous voulez penser, vous le récusez, ben, continuez à être convaincu, cher ami. Je vois bien que vous êtes sûr que vous avez tout compris et que les autres n'ont pas compris et sont des dupes. Ben, je peux rien vis-à-vis de vous. Je peux rien. Continuez. C'est totalement imperméable. On peut raconter n'importe quel fait. Ça coule comme de l'eau. Vous avez votre vision du monde. Elle est faite une fois pour toutes. Ben, continuez, cher ami. Qu'est-ce que je vous dis, moi ? Il n'y a même pas d'échange. Donc, j'ai essayé de faire comprendre... Par quel mécanisme c'est devenu l'objet des multinationales? Parce que ce que vous avez dit est vrai. La situation actuelle est vraie. Bon. Mais c'est pas pour ça qu'on dit... Il ne faut pas confondre la situation actuelle avec les conditions dans lesquelles l'Europe s'est construite. Qu'on dise « l'Europe s'est construite dans le contexte de la guerre froide par rapport à l'Union soviétique », ça c'est un fait. Oui, c'est vrai. Mais dire « c'était fait pour... » Voilà. Bon. Ensuite, il y a la situation actuelle, et la situation actuelle est tout à fait exacte, c'est-à-dire que on a complètement basé la construction européenne sur l'unification du marché. Et ça a maintenant énormément d'effets contraires à l'intérêt des peuples européens. On s'est mis petit à petit dans un processus qui est dangereux. Et la troisième question, c'est, et c'est la seule question pour moi qui est fondamentale actuellement, c'est comment on en sort? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, par rapport au fait que, effectivement, l'idée que, parce qu'il y avait un Parlement européen, les citoyens avaient la parole, plus personne ne le ressent comme ça. Donc la question est comment on crée les endroits, les espaces, les manières par lesquelles les peuples européens vont se faire un point de vue sur ce qu'ils voudraient de l'Europe et pour arriver à dialoguer entre eux. C'est ça l'objet d'un processus instituant. Et ce qui est important de se rendre compte, c'est que ça n'a jamais existé. On a construit l'Europe, quand on dit on a construit l'Europe sans les peuples, c'est simplificateur. Parce qu'on peut dire que chaque peuple a voté son entrée dans l'Europe. Quand j'entends dire tout à l'heure que c'est les Allemands et les Français qui ont voulu que la Grèce ou la Pologne ou la Hongrie rentrent en Europe, ça c'est complètement idiot. Je suis désolé de le dire, c'est complètement idiot. C'est faux, tout simplement. Mais c'est vrai que chaque peuple, il a voté son entrée dans l'Europe pour des motifs tous différents. Je peux vous dire que le vote espagnol, ça a été l'idée que l'entrée dans l'Europe, c'était un aller sans risque de retour vers la démocratie. Ça a été ça le rêve. Pour les peuples d'Europe centrale orientale, c'est l'idée qu'ils avaient été coupés de leurs racines européennes pendant la domination soviétique et il y avait vraiment le désir de rejoindre. Il faut se rendre compte qu'au point de vue de l'intérêt immédiat des sociétés, l'intérêt de ceux qui étaient dans l'Europe, et ça je peux vous l'assurer, c'était vraiment pas... C'était beaucoup trop vite l'entrée des peuples d'Europe centrale et orientale. Mais c'est vraiment, humainement, c'était totalement impossible de leur refuser dans les années 90-95. J'ai participé au dialogue. Quand on leur disait, vous allez rentrer dans l'Europe, ils hurlaient, ils disaient, mais non, mais on a toujours été européens. Regardez l'histoire européenne. Les Tchèques, les Polonais ont joué un rôle, sans parler des peuples baltes. Ils ont joué un rôle considérable dans la construction historique de l'Europe. Donc quand on leur disait vous allez rentrer dans l'Europe, ils disaient vous foutez de nous, on a toujours été européens. Mais on parlait d'entrer dans l'Union européenne. Et les peuples, ils ont voté. Ils n'ont pas été manipulés par les multinationales, ils ont voté. Simplement, ce vote n'a pas créé à aucun moment le sentiment de construire une communauté de destin. On a esquivé la question de sur quelle valeur on est d'accord. Oui, je sais que vous ne pensez pas la même chose. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Vous avez vos convictions absolument faites, c'est bien, bravo. Voilà. Et donc, après la question de comment on fait, il faut mettre sur la table une vision portée par les citoyens européens à travers leur diversité sur l'Europe qu'ils veulent construire. Après, les mécanismes par lesquels les parlements, les gouvernements nationaux, la Commission européenne se saisissent de ce projet, c'est dans un deuxième temps. C'est pas une somme de 30 ou 40 panels de 40 citoyens qui vont décider de l'Europe à la place de tous les peuples européens. Là, les mécanismes de la traditionnelle de la démocratie peut se mettre en place. Mais là, il y a une urgence, c'est de montrer comment des citoyens européens se parlent de la construction d'avenir de l'Europe. Et c'est évidemment pas une Europe des lobbies bancaires qu'ils ont envie de construire. Mais encore faut-il créer les espaces pour qu'ils se parlent entre eux, ce qui n'a jamais existé. Juste pour vous dire, laissez le parler l'intervenant, voilà, même si vous n'êtes pas d'accord, laissez-le finir et après vous réagissez, quoi. Je vais juste sur une opposition rétale sur dire qu'on a choisi d'être dans l'Europe, on n'a pas choisi. Le vote, par exemple, sous Chirac, où le peuple, on a fait un référendum sur le peuple à dire « Est-ce que vous voulez à l'Europe ?» On a dit non, ils nous ont imposé l'Europe. Donc, la France n'a pas choisi d'être dans l'Europe, on nous l'a imposé, on a juste dit « Vous écrasez ou fermez votre gueule ?» C'est ce qui s'est passé. Un mot, mais quand même, regardons les faits. Le référendum de 2005 n'a pas porté sur est-ce que la France veut ou non être dans l'Europe, excusez-moi. Elle a porté ce qui était idiot, c'est non, elle a porté très précisément, et si vous voulez, suivez toute l'histoire de ce qui est passé de 2001 à 2005. Il y a eu le désir de la Convention européenne de dire on va intégrer dans le traité tous les traités qui avaient été signés avant. Et ça a fait un espèce d'énorme truc, et les gens ont découvert, avec horreur, et moi aussi, que finalement, de traité en traité, effectivement, l'Europe s'était faite uniquement sur la question du marché. Et on n'a pas voté pour ou contre l'Europe en 2005. On a voté pour ou contre un traité. Ça n'a rien à voir. Bien sûr. Là, on nous a donné un traité imbuvable, illisible. Voilà, on a dit non et on nous l'a fait passer quand même. Donc, c'est ça la démocratie européenne ? Ben attendez, moi je veux pas de cette Europe, vous dites l'Europe des peuples. Et si on veut pas l'Europe qu'on nous impose, on nous demande notre avis, on s'assoit sur notre avis. Le problème, il est là pour moi. Simplement deux choses. Vous voulez vous-même faire un référendum sur quelque chose d'illisible, c'est complètement stupide, mais ça c'est le choix des Français, c'est le choix du gouvernement français. Tous les peuples européens n'ont pas fait des référendums. Ça a été le choix du gouvernement français. Deuxièmement, quand le référendum a eu non, ça n'est pas l'Europe qui a dit « on s'en fout ». C'est le gouvernement français. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est quoi l'ordre là ? Vous voulez, madame, vous voulez parler dans le micro ? Vous voulez répondre dans le micro ? Ce sera mieux. Vous interprétez là, on a arrêté les référendums dans tous les pays européens parce que la France avait dit non et je crois me souvenir aussi les Pays-Bas. Donc on a arrêté le processus dit démocratique. Il ne faut pas interpréter les choses. Merci. Tu veux réagir ? Encore une fois, ce n'est pas l'Europe à Bruxelles qui a imposé d'arrêter les référendums. C'était le choix du gouvernement français de soumettre à référendum un texte qui intégrait des traités qui avaient été décidés 20 ans avant. Et c'est ce qui a révélé effectivement le fossé entre ce qu'était l'Europe et puis ce que les Européens en voulaient. Et c'est le choix des gouvernements de l'arrêter. Il ne faut pas attribuer à l'Europe ce qu'elle n'a pas fait, voyons. Et je fais juste un point pour dire qu'on nous a donné plein de choses à manger, là, du pain et tout. Et voilà, n'hésitez pas à vous servir. Si vous voulez venir manger, n'hésitez pas. Je suis triste pour monsieur. Il ne faut pas faire forcer l'histoire, la réalité. Les peuples européens, ils n'ont jamais senti l'européen. Toujours il y avait. Les peuples qui se sentaient allemands, français, italiens, tout ça. Et puis il y avait la guerre, les peuples toujours ils ont suivi leurs dirigeants ou leur propre classe possédante. Pour ça, les Français, ils n'aiment pas les Boches. Les Boches, ils n'aiment pas. Attendez, c'est une réalité historique, ça. Alors, si on fait un projet malgré les peuples, ce projet, ça ne peut pas marcher. Parce que pourquoi ? Le projet de l'Union européenne, c'est un projet qui crée par les classes possédantes de l'Europe. Au début, on sait, tout à l'heure j'ai affirmé, je dis Allemagne, bourgeoisie allemande, bourgeoisie française, italienne, Luxembourg, Belgique. Mais la réalité, le projet s'est arrêté. Je ne suis pas un eurosceptique comme les fachos français, comme Front National, comme les nazis allemands, comme Autriche. Comme Hongrie, mais il y a une réalité. Vous avez quand même dans certains âges, ce n'est pas la peine autant de mentir. Un projet qui, ça ne convient pas le peuple. On ne peut pas cacher la vérité. Dans 2005, en France, ils ont rejeté le traité européen. Parce que pourquoi ? On sait très bien. En Hollande, alors, on a refusé. La fin, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Dans plusieurs pays, ils ont peur de le peuple, ils ont peur d'un référendum démocratique. Alors, ils ont retiré, ils n'ont pas accepté que les gens ils votent parce que les gens ils étaient contre. Le peuple, pourquoi ils étaient contre ? Le peuple, ils ont bien compris que c'est un projet défendre les propres richesses de leur pays. Le riche de la France, riche de l'Allemagne, riche de l'Italie, Belgique, Angleterre, Hollande, tout ça. Les peuples, finalement, n'y sont pas contre. Le Bruxelles qui se décide, les fachos, ils utilisent aujourd'hui. En France, qu'est-ce que dit Marie Le Pen? Elle dit, c'est pas nous qui décide, Bruxelles décide. Qui sont-ils les gens de Bruxelles? Qui sont-ils les gens de Banque Centrale Européenne? Qu'ils ont opposé le programme de Syriza en Grèce. Ils ont fait quoi? Ils ont opposé austérité au peuple de Grèce, au peuple de la France, au peuple d'Espagne. Voilà. D'abord, historiquement, les gens n'y sont pas contre. Vous n'avez aucune conscience historique ou vous êtes négocialiste ou vous mentez. C'est pas la peine de mentir. Les peuples, ils veulent une unification. Ils sont contre la misère, ils sont contre la pauvreté, ils sont contre la guerre. Ils veulent une Europe de le peuple, une planète de peuple, c'est bien. Un monde sans guerre, sans misère, sans chômage, sans inégalité, sans xénophobie, sans homophobie, c'est très bien. Mais quand les multinationales allemandes, ils imposent, multinationales françaises, ils imposent, qui peut écouter le projet de François Hollande? Merkel, les autres, ils ont quitté en Angleterre. Alors, c'est pour ça, le pièce, c'est où? Si on ne comprend pas la mécanique de le jeu, on laisse une route ouverte pour les fachos. Parce que les fachos qui profitent. Le responsable, les multinationales. Les responsables, ils sont responsables de délocalisation. C'est eux qui sont responsables de la guerre. C'est eux qui sont responsables de le chômage. Alors qui profite? Les partis fascistes qui se profitent. En France, en Angleterre, en Allemagne, en Angleterre, attends, en Autriche, ils sont deuxième parti. On doit parler la vérité. Alors on veut la paix. Mais on peut créer sans multinationales. En expropriant les riches de tous les Européens. Parce que pourquoi eux, ils ne veulent pas une Europe de le peuple, eux, ils veulent une Europe de multinationale. Voilà, la réalité, c'est ça. C'est pas la peine, on n'est pas quand même. Tu veux réagir ou je laisse parler le monsieur qui attend depuis 10 minutes? Bon, mais moi je suis assez d'accord avec le dernier discours, sauf qu'il est un peu fort et des fois on n'entend pas quand on parle trop fort, on entend moins bien. Mais je suis d'accord avec votre position. Ce que je voulais dire, moi, d'abord, je m'adresse à l'intervenant, je ne l'ai pas écouté depuis le début, je suis arrivé qu'au bout d'un moment, mais je vous ai entendu parler de... d'une autre Europe, mais sans savoir si l'orientation que vous lui donneriez, vous, personnellement, à cette autre Europe, ce serait une Europe de progrès social et une Europe dans l'intérêt des populations. Je n'aime pas dire le peuple, parce que le peuple, ça fait trop national et nationaliste. Hein. Donc, dorénavant, c'est un terme que je bannirai de mon expression. Est-ce que globalement vous êtes donc favorable à cette idée d'une Europe dirigée dans l'intérêt des populations, notamment les plus délaissées, les plus pauvres? Et donc dans ce cadre-là, la proposition que vous avez faite d'une alternative à la démocratie qu'on nous propose, qui s'appelle représentative, celle dont vous parlez, qui s'agirait d'une démocratie délibérative, et donc qui se situerait à un niveau intermédiaire, peut-être un tout petit peu plus proche des populations, mais encore, à mon avis, trop éloigné pour qu'on ne considère pas à nouveau qu'il s'agit d'une confiscation des capacités populaires. Donc, est-ce que vous l'imaginez pas, est-ce que vous n'avez pas comme crainte que ça soit encore un coup d'épée dans l'eau, que ça soit encore... Encore, voilà, une confiscation, encore une impossibilité pour les populations de se saisir véritablement de leur destin, parce que des lieux délibératifs comme il y en a ici, on peut en avoir dans les ateliers des entreprises, on peut en avoir dans les communes des petites villes, effectivement dans les villes, mais bon, les villes que vous nous proposez, de fait, ça sera les grandes villes. On voit bien que déjà, il y a des partenariats entre grandes villes, ce n'est pas les petites villes qui font la réalité des positions des populations. Et d'ailleurs, même dans les petites villes, très souvent, les populations, en majorité, ne s'impliquent pas dans la vie, dans la vie sociale et en tout cas dans la vie délibérative. Est-ce que vous n'avez pas peur que, de nouveau, ça soit une manière de court-circuiter les capacités des populations à prendre en main leur destin? Je ne crois pas que... Enfin, vous posez de très bonnes questions, mais il y a... Le risque de coup d'épée dans l'eau et le risque de confiscation, c'est pas les mêmes. Ils sont presque opposés. On observe deux choses. La première chose, c'est que les mécanismes dits de démocratie participative classique laissent de côté 80% de la population. Bon. Donc, l'intérêt de la démocratie délibérative avec les mécanismes de tirage au sort, et ça je pense qu'il y a assez d'expérience maintenant pour le prouver, font qu'on a une expression de la diversité des points de vue de la population beaucoup, beaucoup plus réelle. Simplement, c'est pas juste de dire on se réunit sous une tente pendant deux heures pour discuter de l'avenir de l'Europe. Ça veut dire qu'il y a un an de travail, je prends l'exemple, si vous voulez, quelquefois, il y a le plus long procès d'assises d'Amérique du Nord vient de se terminer au Canada, il a duré deux ans, ça veut dire que le jury, 15 personnes, ont été rémunérées pendant deux ans au nom de la société pour écouter les arguments des uns et des autres, etc. Si vous voulez, c'est pas la démocratie délibérative, c'est pas un processus où on se réunit juste pour chacun donner son opinion. C'est un processus par lequel on essaie de comprendre, par rapport aux questions qu'on a débattues, point par point, ce qui est vrai, ce qui est faux, et à partir de là, de construire la délibération. Donc le risque de coup d'épée dans l'eau, il est tout à fait réel. Si il n'y a pas suffisamment de volonté politique de dire cette fois-ci, on veut se mettre à l'écoute de ce dialogue citoyen. Le risque de confiscation, je crois, je n'en vois pas trop. Je vois plus de risques de coup d'épée dans l'eau, ça je suis d'accord. Hein. Mais ça, je crois que c'est l'intérêt de l'implication de villes et de régions. Est-ce qu'on y arrivera? Je n'en sais rien. Hein. Je dis que j'ai quand même beaucoup réfléchi à toutes ces questions historiquement. Actuellement, si on veut redonner le rôle aux citoyens pour décider, pour débattre d'abord de l'Europe qu'ils ont envie de construire, je ne vois pas d'alternative à ça. Ce que je vois, c'est que tout le monde dit qu'il faut redonner la parole aux citoyens et que personne ne dit comment. Et là, il y a quand même un processus concret qui s'appuie sur des expériences effectivement faites. Lorsque le dialogue, les citoyens se sentent pris au sérieux dans leur dialogue, les mêmes qui n'iraient pas dans des processus de démocratie participative en disant on se fout de moi, tout ça c'est du trompe-l'œil, etc., ils s'enthousiasment. Parce qu'ils sentent qu'ils sont pris au sérieux. Après, il faut voir comment des petits groupes de 40 à 50 citoyens, quel écho on met dans les réseaux sociaux, etc., pour que ce ne soit pas juste des petits groupes de gens, si vous voulez, qui s'isolent du reste de la population. Hein, tout n'est pas forcément simple dans cette affaire-là. Mais l'idée de s'appuyer, par exemple, sur les jumelages de villes et de régions, parce que la question, est-ce qu'on donnera seulement la parole aux métropoles, la réponse, je pense, est régionale, par exemple, si vous voulez. Hein. Il y a aussi des réflexions au niveau des réseaux de zones rurales, travailler dans les réseaux de zones rurales qui existent dans un certain nombre de régions d'Europe pour dire cette région-là, elle construit son propre panel de citoyens. Donc il y a une invention nouvelle, j'y crois, je crois que c'est une voie tout à fait fondamentale, mais examiner les questions qui se posent, par exemple, de gouvernance européenne, ça demande beaucoup de réflexion, parce que les débats ont été depuis des années polarisés par fédération ou pas fédération sur des modèles anciens de gouvernance qui ne permettent pas de combiner unité et diversité. Ben ça, les citoyens, ça va demander du temps de dialogue, de s'expliquer sur comment on fait. Comment on fait. Voilà, donc, est-ce qu'il y a des gens, je vais te donner la parole, mais voilà, tout le monde peut parler, tout le monde peut intervenir, N'hésitez pas à poser des questions, parce que c'est vrai que là, c'est tout le temps un peu les mêmes qui parlent. Bon. Pour ceux que ça intéresserait, hein, il y a des documents beaucoup plus précis que ce que je peux raconter, si vous voulez. Et je peux vous donner l'adresse où vous le trouvez, sur le site web. Et puis, voilà, donc ça, c'est blog. Ouais, je vous l'envoie, voilà. Puis comme ça, les gens qui veulent en savoir plus, voilà, c'est bon. En parlant de documents, bonjour monsieur Pierre, en parlant de documents, hier j'ai raconté une blague d'un chercheur antillais qui racontait comment il est parti rentrer dans une librairie pour demander un livre de sagesse européenne. Et en fait ça n'existe pas. Et moi j'ai fait le test en demandant un livre de sagesse française. Ça n'existe pas non plus. Donc en fait, non, pas heureusement, parce que les Français, ce ne sont pas que les imbéciles qu'il y a aujourd'hui. C'était un grand peuple avec des grands savoirs. Ils font partie des Celtes. Et les peuples d'Europe sont des grands peuples avec des grands savoirs. Mais au nom de Jésus et de je ne sais pas qui, on les a assassinés, on les a exterminés. Donc, faut pas se moquer de la France ni de peuples d'Occident. Maintenant, les oligarchies qui nous dominent et qui nous empêchent justement de revenir dans la sagesse celtique et dans la sagesse spirituelle, comme le dit notre ami qui était là-bas, hein, les Celtes ne faisaient pas que de la soupe, hein, pour rendre leur guerrier fort. Et donc, on en arrive aujourd'hui, lorsque vous nous parlez d'Europe et la façon dont vous nous parlez, vous nous faites croire. Bon, excusez-moi, je ne vais pas parler comme ça parce que c'est peut-être un peu insultant dans le truc. Ouais. En fait, dans votre discours, l'Europe aurait été faite pour créer la paix dans le monde et surtout, bon. C'est une chance dans le monde, enfin en tout cas entre l'Europe, entre les Européens, parce que les Européens se battaient pour ne pas que les Européens se battent. C'est très bien. Ah, l'après-guerre, si les États-Unis ont lancé une bombe atomique sur le Japon, c'était pour dire à la Russie, ok, t'es fort, mais reste là, nous on a ça. Donc, après la guerre, ils ont divisé l'Europe en deux. Enfin, l'Europe américaine et l'Europe russe. Donc russe, communiste et américain. L'Allemagne faisait partie, l'Allemagne a même été divisée en deux. C'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, ce sont les institutions américaines qui dominent l'Allemagne. C'est pas pour rien que l'euro se fait en Allemagne. Donc vous nous dites que des gens qui, après la guerre, ont imposé une domination sur d'autres personnes, pour parler de la Turquie, vous me dites que non, les plus grandes bases armées américaines sont en Turquie. C'est que la Turquie dépend aussi des États-Unis. Et c'est pour ça que les États-Unis font tout pour que la Turquie rentre dans l'Europe, mais ça fait problème. Donc, lorsqu'il y a des entités extérieures à l'Europe qui ont mainmise sur la création européenne, c'est pour le bien de l'Europe. Oui, d'accord. Très bien. Maintenant, si ces entités, comme le dit les pays qui étaient vraiment à la charge de l'Europe, ils avaient une domination sur les autres petits. Mais les autres petits, pourquoi ils veulent rentrer dans l'Europe? C'est pas pour parce que j'aime le français ou j'aime le machin. C'est parce que mon pays, qui est dans la merde depuis des années, grâce à l'Europe, va s'égaliser financièrement avec l'autre. Et je vais pouvoir augmenter ma vie, mon pouvoir d'achat. Mais le français, lui qui est au-dessus, il va un peu défendre parce que l'autre, s'il augmente, ça veut dire que lui, il va baisser. Donc il y a cette problématique donc de peuple, déjà, des uns avec les autres, pour savoir qui on est aujourd'hui, qui on sera demain, parce que l'autre, je sais que l'autre il veut ma place, mais moi est-ce que je veux sa place, et est-ce qu'on va vraiment être égal, et ceci, cela. Donc la construction européenne, non seulement elle est faite par les États-Unis, puisque même la monnaie européenne, c'est les États-Unis qui décident, et deuxièmement, je sais, ça dérange et ça demande beaucoup de recherche, et deuxièmement, mais c'est très simple, vous travaillez sur Internet et vous regarderez qui a construit l'Europe. Et donc, deuxièmement, la problématique, c'est que avant de construire l'Europe, on n'a pas justement fait cette discussion, non seulement des peuples à peuple, mais d'État à État. Parce que comment tu veux créer une monnaie européenne ou une entité européenne si on est déjà en division culturelle et intellectuelle et monétaire? Donc, cette discussion de peuple à peuple qui s'aime et qui veulent marcher me parler des choucroutes et qui veulent faire des trucs constitutionnels, elle est complètement biaisée, elle est inutile, parce que c'est déjà des peuples qui s'entendent pas, qui sont pas d'accord les uns avec les autres. Donc, la construction européenne, non seulement elle a été imposée au peuple, parce qu'on n'a pas laissé autant au peuple de se parler et de se construire ensemble. Et on n'a pas laissé non plus aux États parlementaires politiques de chaque pays de s'entendre. Donc c'est bien pour ça que ce sont les oligarchies bancaires et militaires qui ont créé cette Europe. Parce que si c'était non pas les peuples mais les États, la Tchéquie ou la Pologne et la France, bah, se seraient mis d'accord sur déjà certaines choses. Jusqu'à présent, ils ne se sont toujours pas mis d'accord sur certaines choses parce que ça a été imposé par certains banquiers. Et donc, moi, sincèrement, vous ne voulez pas dire. Moi, je suis, bah, par exemple, je suis SDF, je suis RSA, je machin. Maintenant, si vous ne voulez pas dire ce que vous faites, vous ne voulez pas dire votre métier, c'est pas grave. Mais ce qui serait bien pour qu'on se comprenne, pour qu'on, non, mais le problème, c'est est-ce qu'on parle en tant que gens intelligents, c'est-à-dire tous est égal, donc d'être humain à être humain, c'est-à-dire que on se parle, on argumente. Où est-ce qu'on vient avec son assise? Moi je fais ça, moi je sais ça, et moi je balance des trucs. Sincèrement, les trois quarts des gens qui sont là, ils comprennent pas. Donc la question c'est, est-ce qu'on arrive à justement à rediscuter ensemble et à se réécouter et à se argumenter les uns les autres et pas venir asséner des... Bon, je vais passer le micro parce que ceci cela, mais sincèrement, il y a des réalités historiques de l'Europe qui ne vont pas avec ce que vous nous racontez intrinsèquement. Merci. Et du coup, il y a une personne qui veut réagir. Bonjour à tous. Là, je suis le débat depuis tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'on mouline un peu, c'est-à-dire que chacun présente sa vision historique de la création de l'Europe. Et donc, là, un débat comme ça, ça peut pas être. On peut pas tous étaler tous nos. Comment ? Ah ben non, mais en fait, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Là, je crois qu'on est tous intéressés par le débat parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui va pas en Europe. En Europe et même en France, il y a des problèmes de démocratie et. Et c'est sur ça en fait. Non, d'accord. Bah, donc moi les problématiques, vous dites à qui tu parles? Ah pardon. Ok. C'est... Bon. Enfin bref, ouais. Juste la discussion, je pense qu'au lieu de tous confronter nos points de vue de la construction européenne, je pense qu'on est tous là parce qu'il y a quelque chose qui cloche en Europe et même en France et dans tous les États au niveau démocratique. La question, c'est comment, quelle est la solution pour avoir justement sortir de l'influence des industriels, de tous ceux qui justement font que l'Europe ne marche pas. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du tirage au sort des législateurs? C'est ce que vous défendez, d'accord, bah, je suis arrivé trop tard. Et quel serait le processus à mettre en place et ce que ça peut se faire si un pays le décide, est-ce qu'on peut l'imposer aux autres et voilà, par quelle voie vous proposez de changer les choses, parce que là on parle que de ce qui va pas et ce qui a pas été fait, et maintenant comment on fait, voilà. Désolé, je n'ai parlé que de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, je crois qu'on ne va pas remplacer d'un coup de baguette magique la démocratie représentative à l'échelle européenne par de la démocratie délibérative. Je me borne à dire on a complètement sauté une étape, qu'il est absolument urgent que maintenant les citoyens se saisissent de la question de quelle Europe ils veulent, comment on la construit. Et la méthode pratique, parce qu'il faut parler de méthode pratique, c'est d'organiser dans une trentaine de villes et de régions européennes des panels européens de citoyens qui disposent d'un an pour réellement débattre de ce qu'est l'Europe, au lieu d'être au niveau d'opinion, on se situe là, et de quelle Europe on veut construire, sur quelles valeurs, dans quelles perspectives, avec quelle manière de gérer l'unité et la diversité, d'avoir un an au niveau local et de réunir tout ça au niveau d'une assemblée européenne instituante. Pour partager entre tous ces panels de citoyens, non pas sur le, encore une fois, sur la base d'opinion, mais sur la base d'une délibération qui se construit sur une année. C'est ça très concrètement ma proposition. Alors du coup, ce qui m'intéresse aussi, c'est les solutions. Je sais pas dans quel sens je vais me faire. Voilà. Je voulais parler du terme démocratie, parce que ce qui est important, c'est je vous entends parler de démocratie représentative, participative, délibérative, et je pense que ce sont des termes à bannir définitivement, parce que c'est totalement contre-productif. on a, c'est, quand on parle de cette manière, on a l'impression d'avoir une démocratie. Bon, c'est plus ou moins différent de ce qu'une démocratie, on va dire, qu'on dirait classique, alors que c'est de toute évidence absolument pas le cas. Si la construction européenne n'est pas démocratique, c'est parce qu'elle était calquée sur des régimes qui ne l'étaient pas à la base. Donc c'est normal que l'Union européenne n'est pas démocratique, c'est parce que la France, les Allemands et les autres pays qui font partie de l'Union européenne n'avaient pas des régimes démocratiques. Donc la France n'est pas une démocratie représentative. Une démocratie représentative, c'est un oxymore. C'est comme la démocratie participative, c'est total pléonasme. Et c'est essayer d'imaginer une démocratie qui ne soit pas participative, ça n'a plus aucun sens. Ça a l'air complètement con de parler de... c'est comme si on parlait de tri sélectif et essayer de faire un tri qui ne soit pas sélectif. Il n'y a plus de sens, quoi. Donc, si on voudrait reconstruire une Union européenne différente, bah, faudrait déjà que chaque pays change son propre régime. Il faudrait déjà commencer par instaurer des régimes démocratiques, que ce soit en France, en Allemagne et dans les autres pays. Donc bon, ça va partir de loin, ça va prendre du temps. Mais déjà, faire pas mal d'éducation populaire avec les gens, en évitant de leur apprendre à l'école que nos régimes sont des régimes démocratiques, leur dire que à la Révolution française, les révolutionnaires ne voulaient absolument pas instaurer de démocratie, mais des régimes représentatifs qu'ils ont préféré appeler république parce que l'aristocratie, c'était... ça le faisait pas trop. Donc il y a toute une éducation, faut repartir de très loin, et à partir du moment où le peuple peut enfin avoir du pouvoir par une démocratie, c'est là, après, on pourra éventuellement penser à reconstruire une Union européenne, là, qui sera plus dans l'intérêt social qu'économique. Voilà. Excuse-moi, tu veux réagir par rapport à ce qu'il vient de dire ou je laisse parler parce qu'il y a en fait il y a quelqu'un. Non, tu veux pas parler en fait. Il a dit ce que tu voulais dire. Ok. Du coup, est-ce qu'il y a une dernière intervention, une dernière question, parce qu'on va. Ah, t'as quand même beaucoup parlé. Lui, il a pas encore parlé. Il a pas encore parlé. Il a envie de parler, donc on va laisser parler ce con. Bah ouais, mais bon, enfin, t'as déjà dit beaucoup de choses. Bonsoir. Donc du coup, on parle de la construction démocratique en Europe, donc c'est important d'avoir parlé de la démocratie. Je ne sais pas si ça a été évoqué au début du débat parce que j'étais pas présent, mais il y a la question de l'Europe aussi. Depuis tout à l'heure, j'entends dire que vous avez parlé notamment des États baltes qui se sentent européens, de la Pologne qui se sent européen. Moi, personnellement, d'une part, je demande à voir, parce qu'en Lettonie, il y a quand même une imprégnation culturelle russophone qui est extrêmement importante. Donc être européen, ça veut dire quoi? Est-ce que... se sentir européen, ça veut dire se sentir à l'ouest de l'Oural. Je me sens à l'ouest de l'Oural, mais est-ce que ça veut dire ressentir une espèce d'unité culturelle avec différents peuples, différentes nations plutôt, à savoir des nations qui peuvent être d'Europe balte, d'Europe scandinave, d'Europe du Sud, d'Europe de l'Est ou d'Europe occidentale. Moi, j'ai du mal un petit peu avec cette idée d'unité culturelle parce que je vois pas ce que j'ai de plus en commun avec un Lituanien qu'avec un Kirghiz ou un Kazakh ou n'importe quoi. Donc on parle depuis tout à l'heure de l'Europe et de la construction institutionnelle de l'Europe, mais je pense que de base, l'Europe, c'est un concept qui peut éventuellement être géographique, mais sur le plan culturel, je vois absolument pas en quoi l'Europe est une entité qui existe réellement. Donc moi, j'ai envie de vous poser cette question-là. Qu'est-ce que c'est que l'Europe et quel est l'intérêt d'élargir l'Europe? Dans quelle voilà. Et dans quelle mesure l'imprégnation culturelle est réellement effective en Europe, si elle l'est, ne serait-ce qu'un tout petit peu? Ouais, vous voulez répondre? Oui, bah, il y a une dame qui veut intervenir. Pardon? Il y a une dame qui veut intervenir. Donc on va laisser la dame intervenir. Il y a une dame qui veut intervenir, qui n'a pas encore parlé, donc on va la laisser. Messieurs, dames, je viens d'arriver, alors je vois que vous êtes un... Bonjour, je vois que vous êtes un stand qui parlait. Je m'appelle Daniel Chéreau, je suis né à 150 km de Paris, et j'ai travaillé 44 ans, dont 32 ans et demi à Thomson, à fabriquer des radars. C'était pas beau, mais j'ai préféré fabriquer l'armée française pour l'armée française que plutôt que l'armée française, parce que vous voyez l'armée française, là, ils sont allés faire la guerre, je sais pas où, en Irak, avec 8 ou 9 avions. Il y en avait que 3 qui étaient en panne, ils n'étaient pas foutus de les réparer. Il a fallu qu'ils achètent 3 avions aux États-Unis pour remplacer. Parce que si on ne les fabriquait pas ici, il fallait les acheter à l'étranger, c'était pas mieux. Alors, il se passe une chose, c'est que l'Europe, avez-vous lu les journaux? Ils sont en train de monter une armée en Europe. Et puis en ce moment, la France, ça fait partie de l'Europe. Et monsieur Hollande, il y a un livre qui est sorti, le président et ses guerres. Si vous saviez toutes les guerres qu'il a fait, en Afrique, dans sept pays, en Irak, et là, comme il n'y arrive pas, il veut mettre l'Europe, il veut faire une armée d'Europe pour aller faire la guerre partout. Alors on en a marre de la guerre. Et puis il se passe une chose, c'est que l'Angleterre, elle s'est cassée de l'Europe. J'imagine que eux, ils n'ont pas envie d'aller faire la guerre en Afrique, et c'est pour ça qu'ils se sont cassés. Bon, à part ça, pour l'Europe, c'est bien si c'était une fédération d'États. Mais on ne peut pas faire tout en même temps. Vous vous rendez compte qu'en Roumanie, les petits gens qui viennent faire la manche ici, ces gens-là en Roumanie, ils sont jamais allés à l'école. Vous voyez? Bon, alors ici, on allait à l'école avant. Mais il se passe une chose maintenant, c'est que dans les classes, moi j'ai une fille qui est prof, elle a 6 classes de 35 élèves. Vous voyez la tête qu'elle a à la fin de la journée, hein? Et dans les classes de petits, un jour, il y avait un petit gamin qui était mignon, dans le métro. Eh bien, j'ai dit, dis donc, toi, t'es un petit gamin dégourdi, la maîtresse, avec toute une bande de gamins comme ça, si elle en a 28. Oh, sa mère, elle me dit, elle n'en a pas 28, elle en a 32. Comment voulez-vous qu'une institutrice, elle apprenne à lire, chacun son tour, 5 minutes, quand elle a une classe de 32 élèves? Alors, les gamins, ils arrivent en 6e, ils savent pas lire. Alors, avant d'aller voir faire la grande Europe, occupons-nous que nos mômes, quand ils arrivent en 6e, ils sachent lire. Ce serait une bonne chose. Bon, j'ai fini, j'arrête. Merci, madame, pour votre intervention. Et du coup, bah, en fait, il y a encore quelqu'un qui veut parler et qui n'a pas parlé. Donc, le but ici, c'est quand même de laisser la parole à tout le monde. Et du coup, voilà, ce sera la dernière intervention. Par contre, on va devoir arrêter, nous, parce qu'après, on doit partir. Bon, c'était juste pour dire que vous parlez d'unification de certains États-nations. Moi, je vois même pas l'intérêt de maintenir les États-nations actuels. Je suis plus intéressé par exemple, les républiques de cité au Moyen-Âge. Ça serait, bon, évidemment, revu et corrigé, pas question de copier tel que. Mais enfin, au Moyen-Âge, il y avait des républiques de cité. Il y en avait, par exemple, là où je suis né, il y en avait toutes les 30 kilomètres, toutes les villes avaient leur propre loi, le système de Toulouse, le système de la cité, de la Ciotat et tout ça. Bon, je pense que c'est plutôt à ce niveau-là, par cet intermédiaire-là, qu'on peut rebosser. C'est-à-dire, je suis contre les États-nations modernes. Ça va entraîner des gros trucs avec des. Il va falloir faire causer des millions de personnes entre eux, alors que c'est probablement plus accessible au niveau d'une municipalité. Voilà, c'est tout. Au niveau de, disons, 2 millions d'habitants. Merci beaucoup, monsieur. Donc voilà, bah, on va s'arrêter là. Tu veux dire un mot, mais vraiment pas long, hein, malin de gens. Vraiment pas long. Ensuite. Il y a quelqu'un d'autre qui veut non, juste vraiment pas loin, parce que là nous on va devoir y aller et ensuite monsieur va finir quoi. Monsieur, en fait ce que je voulais vous dire rebondit sur tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que vous nous avez parlé d'un exemple de l'Europe a été le seul à avoir fait la paix aussi cela. Vous savez qu'il n'y a jamais eu autant de guerres dans le monde depuis que la construction européenne, ça fait 2000 ans qu'ici il y a la guerre partout, c'est la construction européenne. Parce que la construction européenne ne s'est fait que dans la guerre. Et c'est de la Grèce. Je sais, vous dites non, mais comme vous dites tout à l'heure, vous aimez bien dire ce sont des faits. Et donc, est-ce qu'à un moment donné, l'Européen, le grand Européen des Lumières, le grand Européen, celui des philosophes, de ceci, cela, il se pose la question de dire comment on fait les autres peuples un jour? Comment on fait les Russes? Comment on fait les Africains? Comment on fait un tel? Parce que de tout temps, il y a toujours eu des nations qui se sont unies et qui se sont unifiées pour faire des grands peuples. Donc, ce que la construction européenne, il n'y a rien de neuf. Depuis la nuit des temps, depuis la création du monde, ça fonctionne. Donc, est-ce que la façon dont vous avez parlé, sincèrement, moi, ça m'a beaucoup choqué, hein, la façon dont vous avez mis l'Europe, l'Européen en avant pour savoir s'il faisait la paix, cela, c'est d'autres ont déjà fait. Et d'autres l'ont déjà très, très bien fait. Et est-ce que l'Européen a le droit, ou se pose la question de se dire, tiens, d'autres peuples, des Chinois ou je sais pas autre, l'ont déjà fait. Et peut-être qu'on pourrait avoir un regard sur les autres constructions avant et arrêter d'être centré sur nous-mêmes et sur nos philosophes de lumière et sur notre pseudo-intelligence et des droits de l'homme et autres qui n'ont jamais existé d'ailleurs et de liberté. Bon, enfin bref, merci. J'ai été amené à dire tout à l'heure et je le redis, c'est pas en tant qu'Européen, si vous voulez, que je me suis rendu compte à quel point la construction européenne était importante pour le monde. C'est parce qu'il se trouve que dans la vie, j'ai dû circuler dans le monde et c'est y compris les Chinois qui m'ont dit mais on veut comprendre la construction européenne parce que il y a un enjeu de réconciliation que nous on n'arrive pas à résoudre. Donc c'est pas une vision européocentriste. C'est comme ça, si vous voulez. Sur la question de la démocratie. C'est bien le défi auquel on est confronté aujourd'hui, de dire dans un monde qui est complexe, dans un monde qui est interdépendant, comment on réinvente ce qui est le cœur de la démocratie, c'est-à-dire la possibilité des citoyens de s'approprier les défis et d'avoir le sentiment de compter dans la gestion de la cité. Ça, c'est une invention qu'on a à faire tous ensemble. C'est pas en rejetant les mots, il y a des alternatives qui se présentent. Pour l'instant, la démocratie, elle est en crise. C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles on arrive à prendre en charge collectivement des défis complexes et un monde interdépendant, c'est à inventer. Et tout ce que je dis, c'est que une étape intéressante au niveau européen, ça peut être ça. C'est comment est-ce qu'on réfléchit ensemble à construire la cité ensemble. Et ça ne se fait pas juste en débat de deux heures. C'est un processus. Tout à l'heure, vous avez posé la question de est-ce qu'il y a une culture européenne. Vous avez parlé des pays baltes. Encore une fois, j'essaie de décrire. Moi, je ne dis pas par définition, il y a une culture européenne. Il y a une histoire qui s'est construite dans laquelle, effectivement, les pays baltes, la Ligue hanséatique, tout ça, ont joué un rôle tout à fait fondamental, de même que les Polonais ont joué un rôle tout à fait fondamental, les Tchèques un rôle fondamental, etc. Donc, il y a des morceaux d'histoire commune. Ce que je me borne à dire, c'est que dans les années 90-95, la pression était extrêmement forte de ces pays vis-à-vis de nous qui avions construit l'Union européenne pour rentrer dans l'Union européenne et la réaction extrêmement violente qu'ils avaient quand on parlait d'entrer dans l'Europe. C'est eux qui disaient « Mais non, mais attendez, vous foutez de nous. Ça fait des siècles qu'on est européens. » Voilà. Et je décris ce processus parce que je l'ai vécu. Mais voilà, c'est tout. Vous avez pu vivre autre chose que je vous dis. Mais j'ai vécu cette pression. C'est pas du tout l'Allemagne et la France qui avaient envie que les autres rejoignent l'Europe. Tout le monde savait, au niveau parisien, au niveau Berlin, au niveau de Bruxelles, que ça allait beaucoup trop vite, que les institutions seraient incapables de suivre. On la voyait nette, la crise qui viendrait. Il n'était pas possible de refuser à des Estoniens ou à des Polonais de revendiquer d'intégrer l'Union européenne. C'était objectivement possible. Mais non, mais pas l'intérêt que... Bon, on va être obligé de clôturer le sujet. Si vous voulez, vous pouvez continuer à débattre entre vous. Il n'y a pas de souci.